Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, des boulettes empoisonnées, un serial killer de chiens, oui, de chiens, et un tueur à gages amateur, c'est l'affaire dite des chiens d'Aigleton, une commune d'un peu plus de 4000 habitants dans le département de la Corrèze. Ici, pendant 4 ans, de 1998 à 2002, a sévi un mystérieux assassin. Le nombre de ses victimes, 74. Leur nom, Noisette, Pépito, Miquette, Simba, Filou. Ce sont des chiens et des chats. Sans compter les renards, les hérissons, les corbeaux, qui n'appartenaient à personne, mais qui sont morts dans les mêmes souffrances, empoisonnés par des boulettes à l'insecticide. L'affaire des chiens d'Aigleton, c'est l'histoire d'un engrenage criminel tellement délirant, tellement invraisemblable, qu'il est difficile d'en comprendre la logique et le véritable mobile. Empoisonnement après empoisonnement, le serial dog killer s'enfonce de plus en plus profondément dans sa psychose. Les 74 premières victimes sont des animaux, mais au bout de ce crescendo insensé après les chiens, il y a mort d'homme. Notre invitée aujourd'hui, Francette Vigneron, écrivaine, journaliste, autrice du livre « Enquête, l'affaire des chiens d'Aigleton », publié en 2009 aux éditions Descartes et compagnie, livre coécrit avec le journaliste Franck Ménial. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Août 1998, Aigleton. Nous sommes dimanche, mais ce jour-là, exceptionnellement, le docteur Bouteau a ouvert son cabinet. Car la chasse aux sangliers est ouverte depuis la veille, et il est le seul vétérinaire de cette petite commune peuplée de chasseurs. Il sait par expérience qu'on lui amènera en urgence des chiens blessés, comme c'est le cas chaque fois que la saison cynégétique commence. Et ça ne manque pas. Cette activité qui tue des animaux et qui en blesse d'autres, en ce dimanche 30 août, le docteur Bouteau reçoit, comme prévu, plusieurs chiens mal en point. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est l'état dans lequel allaient être les animaux qu'on lui apporterait. Généralement, après une chasse au gros gibier, il soigne des pattes cassées ou des plaies plus ou moins profondes. Mais cette fois, c'est différent. D'abord, les pauvres chiens qu'il reçoit ne sont pas tous des chiens de chasse. Ensuite, ils présentent d'étranges symptômes. Ils ont la langue bleue et ils vomissent une matière bleue, elle aussi. Ils convulsent. Et pour cause, ils ont ingéré du poison et deux d'entre eux ne s'en tirent pas. Bilan de la journée, 7 chiens empoisonnés, dont 2 mortellement, un autre disparu et 2 chats morts. Le docteur Bouteau et les propriétaires sont sous le choc. L'arme du crime est immédiatement identifiée. Ce sont d'étranges boulettes bleuâtres retrouvées sur le bord de la route. Elles sont grosses comme le poing et elles sont composées de viande et de petits granulés. La gendarmerie les envoie pour analyse. Mais dès le week-end suivant, ça recommence. De nouveaux animaux sont empoisonnés. Une habitante des alentours d'Aigleton se souvient au micro de l'émission Le Vif du Sujet sur France Culture. Ça a commencé à côté d'Aigleton. Les premiers empoisonnements, d'ailleurs, on pensait que les bêtes s'étaient empoisonnées avec des produits pour les taupes. Et puis, petit à petit, il y a eu il y a eu plus de boulettes empoisonnées qui ont été posées au même moment sur plusieurs communes, quoi. Et alors, à partir de ce moment-là, on a dit, il y a un empoisonneur. C'est pas possible qu'on trouve des boulettes de poison partout, presque sur le canton, quoi. Ce que les gendarmes prenaient pour une affaire mineure se met à empoisonner toute la région. Entre août 98 et mars 99, les habitants des alentours d'Aigleton recensent la mort de 28 chiens, de 7 chats et d'une brebis, toujours intoxiqués par ces étranges boulettes. Il y a un empoisonneur à Aigleton, ça paraît clair. Et il dispose ses appâts sur un périmètre de plus en plus vaste. Il n'avait touché, lors de sa première distribution, que 2 communes. 6 mois plus tard, on retrouve ces saloperies, comme les appellent les Corréziens, éparpillées sur 7 communes. Et on sait maintenant ce qu'elles contiennent. C'est de la chair à saucisse mélangée à un produit bleu qu'on appelle du carbofuran, un insecticide utilisé dans l'agriculture. Et à mesure qu'il étend son territoire, l'empoisonneur en augmente la concentration dans ses boulettes, comme si son appétit criminel grandissait à chaque nouvelle distribution. Il procède la nuit, où tous les chats sont gris. Il disperse ses appâts, parfois sur plus de 50 kilomètres, et à la gendarmerie, on se demande quel peut être son mobile. Une indication tout de même, les boulettes sont retrouvées à proximité de terrains qui appartiennent à des chasseurs. Dans la région, il se murmure que ces empoisonnements viendraient d'un conflit concernant des territoires cynégétiques, genre chasse gardée, n'y met pas les pieds. Le maire de la commune voisine de la Chapelle, Spinos, l'explique sur France Culture. Vous aviez d'un côté une chasse privée, de l'autre côté vous aviez une chasse intercommunale, parce que nous on a la chance d'habiter la campagne, mais je m'occupe un peu de la chasse, mais disons on a Aigleton qui est la ville qui a pas de terrain, on a Rosy, on s'est mis ensemble, l'ouvrier ou n'importe qui travaille à Aigleton parce qu'il est obligé, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas les mêmes droits de venir se promener dans les bois, courir après la paix, c'est la chasse pour tout le monde. Et de l'autre côté vous avez une chasse privée, et puis moi je crois que c'est une histoire de territoire, il y a des gens qui ont enlevé le terrain pour le mettre libre à tout le monde. Et puis bon, de fil en aiguille, oui, mais c'est pour ça que c'est parti, à mon avis, sur une histoire de territoire. Autour des Gletons, un demi-millier de chasseurs en effet se partagent la campagne. Mais ils n'ont pas le droit de taquiner le gibier n'importe où. Ils sont membres de sociétés de chasse qui, chacune, ont un territoire délimité. La plupart sont gérés par des sociétés publiques. Mais certains notables ont constitué une société privée. Ils sont sept ainsi à se partager un immense territoire de 1000 hectares qu'ils louent à des particuliers. Or, cette société a perdu quelques années plus tôt un bout de son territoire parce qu'un agriculteur a résilié le bail. Pire, ce paysan a autorisé une société concurrente à prendre la place. C'était en 1986, 12 ans plus tôt, et dans la foulée, ce même agriculteur a découvert trois de ses vaches et l'un de ses chevaux tués, avant de voir des incendies suspects brûler les 15 hectares de sa propriété. Après les premiers empoisonnements de chiens, en octobre 98, un chasseur se présente à la gendarmerie. Il s'appelle Marius Lac, et il leur expose sa théorie. Il ne peut s'agir, leur dit-il, que de l'œuvre d'un chasseur pervers, membre d'une équipe que notre présence dérange. Cet homme, Marius Lac, pense à quelqu'un. Et toute la région songe à la même personne. Autrement dit, au président de la société de chasse privée qui a vu son territoire renié. Un homme intimidant, qui s'appelle Roland Bondoni. Oh, cet homme, tout le monde le connaît. C'est le président du club de rugby et il a été conseiller municipal. C'est un négociant en vin qui vit entre la Corrèze et le nord de la France où se trouvent ses clients. C'est ce qu'on appelle un notable. Cet homme de 65 ans, grande gueule, sanguin, côtoie la bonne société corrézienne. Des élus, des procureurs, des hauts fonctionnaires qui l'emmènent chasser sur ses 1000 hectares. Certains le disent élégant et le cœur sur la main. Mais d'autres, particulièrement les chasseurs concurrents, le décrivent comme un homme terrifiant qui croit que la forêt est à lui. 12 ans plus tôt, quand le voisin agriculteur avait découvert la mort d'une partie de son cheptel et ses 15 hectares de terrain brûlés, c'est vers Bondoni que les regards s'étaient tournés. Et maintenant qu'un empoisonneur s'attaque aux chiens des chasseurs, toute la région en est convaincue, c'est encore Bondoni qui règle ses comptes. Le 25 mars 1999, soit 7 mois après les premiers empoisonnements, la gendarmerie ouvre enfin une information judiciaire pour acte de cruauté envers les animaux. Mais l'empoisonneur ne s'arrête pas. Le 17 juin, Aigleton se réveille encore une fois envahi de boulettes. Et ça continue encore et encore. L'empoisonnement d'animaux domestiques par boulettes de viande dans la région d'Aigleton se poursuit. La semaine dernière, la gendarmerie a enregistré 7 nouveaux dépôts de plaintes. Farah, la chienne de la famille Bouige, a été retrouvée morte après ingestion de l'une de ses boulettes. C'est déjà arrivé, les chiens sont empoisonnés depuis fin août. Et notre chienne avait déjà été empoisonnée au mois de novembre 1998, mais on avait pu la sauver. Ça s'était arrêté pendant environ 2 mois, et depuis une semaine, il y a de nouveau, dans le village et dans toute la commune, il y a eu au moins 5 ou 6 chiens empoisonnés en une semaine. Ces C'est Opaline, le fox terrier d'un ouvrier cette fois, qui expire en premier. Puis Rep, un Bruno du Jura, et un caniche, et un cocker, et des chats, et même des poules. On retrouve des boulettes dans les rues, dans les fermes et jusqu'au pied du monument aux morts des Gletons. Chaque distribution est plus conséquente que la précédente. Et les mêmes scènes se répètent tristement au cabinet du docteur Bouteau. Le 9 février 2001, c'est la 7e vague d'empoisonnement. C'est maintenant à Daisy, à Ouragan et à Andy de succomber devant leur maître en pleurs. Noisette, la chienne du maire de Boustier, a survécu, mais, dit son maître, elle a pris un sacré coup de vieux. Et la peine, eh bien, ça fait naître des envies de vengeance. Les chasseurs promettent à l'empoisonneur de lui faire manger ses boulettes. Alors il se planque, armé, la nuit, comme les gendarmes. Mais ça ne donne rien. Et l'homme que la rumeur accuse, Bondoni, n'est pas inquiété. Se met alors en marche la paranoïa habituelle qui accompagne la rumeur. S'il n'est pas inquiété, c'est qu'il a les gendarmes dans sa poche. Et paraît-il même qu'il est franc-maçon. Alors il n'y a rien à faire. Brûle la région, cet homme est protégé en haut lieu. Mais les empoisonnements du 9 février 2001 livrent une indication importante. Plusieurs témoins ont vu passer une voiture Renault Express blanche dont l'immatriculation se termine par RM19 et ils ont ramassé des boulettes sur son passage. Les gendarmes demandent alors la liste des véhicules correspondant à cette description. Nous sommes le 12 février 2001, 2 ans et demi après les premiers empoisonnements. Il est 10h du matin et la liste demandée par les gendarmes arrive. 134 voitures sont identifiées. L'une d'entre elles appartient à un certain Roland Bondoni. Or, coïncidence extraordinaire, une Renault Express blanche immatriculée 7598 RM19 se gare à cet instant précis sur le parking de la gendarmerie. Un peu comme si un crocodile se présentait dans une maroquinerie. En sort Roland Bondoni, le suspect numéro 1 vient déposer une plainte. Hier, le 11 février 2001, entre 16h30 et 17h30, je chassais sur la commune de Moustier-Ventadour avec mon fils et mes 7 chiens. Nous avons levé 5 cerfs. En s'enfuyant, ils se sont écartés et nous avons lancé les chiens à leur poursuite. Ma chienne, Majesté, est partie vers les Farges. L'ayant perdue de vue, je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. Puis, sur la route des Farges, en partant de la route de l'Aplot, j'ai remarqué un buisson bouger et j'y ai trouvé ma chienne, perdant l'équilibre, haletant et les yeux vitreux. Je l'ai prise sous le bras et je l'ai mise dans ma voiture. Elle ne respirait presque plus. En me dirigeant sur Aigleton, j'ai téléphoné à Monsieur Bouteau, vétérinaire. Quand il a ouvert la porte de la voiture, la chienne était morte. Je dépose plainte contre l'auteur de ces faits. L'une des chiennes de Bondoni est morte empoisonnée, elle aussi. Mais les gendarmes trouvent les circonstances suspectes, malgré tout. Et alors que Bondoni relit sa déposition, un jeune gendarme en profite pour faire un tour sur le parking. Fine mouche, il se dirige discrètement vers la voiture de Bondoni. Et son regard est accroché par un détail. Il y a là, coincé dans le rétroviseur gauche, des granulés bleus. Du carbofurant, l'insecticide utilisé dans les boulettes. Dès le lendemain, évidemment, Bondoni est arrêté. Le serial dog killer d'Aigleton peut être hors d'état de nuire. Un homme âgé de 68 ans sur qui pesaient déjà de lourds soupçons a été interpellé à Aigleton et mis en examen aujourd'hui pour acte de cruauté envers animaux. Il encourt 2 ans de prison. Ce sont des analyses sur la nature du produit employé qui ont permis de confondre l'individu. Les éléments recueillis dans le cadre des derniers faits, c'est-à-dire ceux du 10 et 12 février 2000, permettent d'affirmer que le produit utilisé est le même que dans d'autres faits commis depuis août 1998. Le juge d'instruction a placé la personne qui lui a été présentée sous contrôle judiciaire et aussi dans le souci de protéger, ou plus exactement de rassurer les victimes sur la réparation de leurs préjudices. Il lui a demandé le versement d'une très forte caution, puisque celle-ci est d'un montant de 500 000 francs. Pour toucher une indemnisation, les victimes doivent se constituer partie civile auprès du juge. Le procès devrait avoir lieu d'ici un an. L'examen plus poussé de la voiture accable Bondoni. Les gendarmes retrouvent de la matière bleue dans le vide-poche, sur le siège du conducteur, sous le frein à main, derrière les ceintures de sécurité et sous le siège passager. Ils demandent donc à Bondoni une explication. Ce à quoi l'intéressé répond qu'il a transporté sa chienne chez le vétérinaire et qu'elle a bavé et déféqué partout. Bien. Le problème, c'est qu'une partie de l'insecticide retrouvé est pure. Il n'a pas été en contact avec de la viande. Alors, continuent les gendarmes, comment expliquez-vous que votre chienne mourante soit capable de séparer les fragments bleus de la viande? Qu'est-ce que vous voulez que je raconte à ça, s'énerve Bondoni. Les enquêteurs sont certains de tenir le coupable. Alors il est placé sous contrôle judiciaire, interdit de résidence en Corrèze, et toute la région pousse un ouf de soulagement. Arrive-t-on enfin à l'épilogue de l'affaire des empoisonnements de chiens, se demande le journal La Montagne. Eh bien non. Le 13 juillet 2001, alors que Bondoni a été arrêté 5 mois plus tôt et qu'il est depuis interdit de séjour dans le département de la Corrèze, TF1 diffuse un reportage sur l'affaire. Redonne-t-il des idées à l'empoisonneur qui n'est donc pas forcément Bondoni? Toujours est-il que le lendemain matin, les Aigletonnais découvrent des boulettes pour la 8e fois et maintenant jusque dans les cours d'école. Bilan, 7 morts, 6 chats et 1 chien. En 5 mois. Et 5 mois plus tard, plutôt, en décembre 2001, une 9e, puis une 10e distribution scelle la sinistre série. Et celles-là sont particulièrement tragiques. 16 chiens et 20 chats y passent. Noisette, la chienne du maire de Moustier, avait survécu la première fois, pas la deuxième. Le livrier du marchand de journaux y passe aussi, comme Pepsi, le Doberman du boucher. Mais c'est pas pensable de voir sa bête mourir comme ça. En plus, le matin, il m'a porté mes chaussons. Pleure son maître. C'est donc sous très haute tension que le 30 septembre 2003 s'ouvre le procès de Roland Bondoni. France 2 est sur place. Il est arrivé tôt pour éviter la foule. Roland Bondoni comparaît libre. Il est soupçonné d'avoir empoisonné des dizaines de chiens et chats dans le nord de la Corrèze. Face à lui, les 75 propriétaires sont beaucoup plus bavards. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi leurs animaux sont morts. Ça m'a étonné, ça m'a surpris. Je trouve que c'est, comme beaucoup, ignoble. Ignoble, ça nous met même en colère. 4 chiens empoisonnés, ça fait quand même mal. Moi, je suis resté 3 ans sans sasser. Un chien de chasse, ça vaut une brique, hein, quand même. C'est pas donné. « 144 chiens et chats ont été empoisonnés et 74 en sont morts. 51 parties civiles, 7 communes, 2 sociétés de chasse et la branche corrézienne de la SPA attaquent Bondoni. » Dans le box, l'accusé, 71 ans, est confiant, impressionnant même. « Si je suis ici, dit-il, c'est le produit de ragots. » D'ailleurs, ses alliés avaient déjà commencé à le défendre dans la presse. « Bonbon, c'est son surnom. C'est l'ami des animaux, disait-il. » La seule chose qu'on peut lui reprocher, expliquait un chasseur, c'est de chercher à vous estourbir à coups d'apéro. Mais 2 autres témoins le décrivent autrement. Un premier chasseur explique. Bondoni sème la terreur pour agrandir son terrain de chasse. Puis Marius Lac, qui avait déjà parlé à la gendarmerie, renchérit. Et d'ailleurs, s'ils ne sont que 2 à témoigner, c'est que les autres ont peur. Venir ici, dès le témoin, c'est déjà faire preuve de bravoure. Moi, quand je le rencontre, c'est dans un maquis, et il a une arme. Les enquêteurs n'ont pas récolté de preuves irréfutables, la présence d'insecticides dans sa voiture étant le seul élément concret. Mais Bondoni est déclaré coupable. Il est condamné à 2 ans de prison et à plus de 110 000 euros de dommages et intérêts. Les parties civiles sortent du tribunal. On se congratule, même si on sait que Bondoni fera appel. Et Marius Lac plaisante. « S'il m'arrive quelque chose, dit-il, vous saurez d'où ça vient. » Nous sommes alors le 22 octobre 2003. Le 25 août 2004, Marius Lac est retrouvé mort au fond de son hangar. changé 100 000 fois de visage, rié mon nom de toutes les listes et m'effacer des paysages ouverts. À présent, que neige, ma mémoire s'ennuie. Marius Lac, gendarme à la retraite, retrouvé assassiné devant chez lui. C'était le 25 août dernier. Son cousin a découvert le corps. J'ai reconnu Marius. Marius était là. On peut pas savoir. Et sur le moment, quand vous voyez qu'il a été assassiné, vous pensez tout, à quoi? Tout de suite. Tout de suite, j'ai pensé, les salauds, le salaud, il l'a fait tuer. L'homme que le cousin de Marius Lac accuse, c'est le seul ennemi qu'il lui connaît, Roland Bondoni. Lac a été attaqué très violemment. Il a été retrouvé le crâne brisé, des entailles sur la nuque. C'est sa fille qui a donné l'alerte. La veille au soir, le 24 août 2004, elle était au téléphone avec lui et elle raconte. Alors qu'elle lui parle, son père s'arrête de parler, intrigué. « Tiens, lui dit-il, on dirait qu'il y a une voiture. » Et les voisins confirmeront plus tard, oui, une voiture rouge s'est garée devant chez lui. Marius Lac sort de sa maison, le téléphone à la main. Et il décrit la voiture à sa fille. C'est une voiture immatriculée 02, département de l'Aisne. Il s'approche, et sa fille, au bout du fil, l'entend engager une conversation avec un homme. Une conversation à propos du 4x4 de Marius Lac. Parce que ce dernier possède un 4x4 de marque Lada. Mais comment cet inconnu qui vient de l'Aisne, très loin de la Corrèze, le sait-il? C'est étrange. Et la fille de Marius Lac s'inquiète. « Fais attention, » dit-elle à son père. « Fais attention. » Bon, Marius Lac la rassure, puis il raccroche. C'est la dernière fois qu'elle parle à son père. Le suspect est donc un homme qui conduit une voiture rouge immatriculée dans l'Aisne. D'autres témoins précisent, c'était une Alfa Romeo. Encore mieux, un couple de fermiers dit avoir vu un homme sur un VTT qui leur a demandé l'adresse de Marius Lac. Il avait une cinquantaine d'années, il était corpulent, les cheveux un peu longs, frisés, ce qui ne correspond absolument pas à Bondoni, mais tous les regards se tournent quand même vers lui. Parce que Bondoni vit maintenant dans la ville de Fourmies, à la frontière entre les départements du Nord et du 02, l'Aisne. Il y avait ses habitudes, il y vendait du vin et, en attendant son procès en appel, il s'y est complètement installé. Les gendarmes se penchent sur sa piste, ils le placent sur écoute. Et ils interceptent quelques jours plus tard une conversation intrigante. Bondoni est au téléphone avec un homme prénommé Alain, qui paraît très préoccupé et qui lui donne des consignes pour le contacter discrètement. Cet homme, les gendarmes l'identifient, il s'appelle Alain Botchon. Il a une cinquantaine d'années, il est corpulent, les cheveux assez longs et frisés, et il conduit une Alfa Romeo rouge immatriculée 02. Moins de 2 mois après le meurtre, Botchon et Bondoni sont arrêtés. Roland Bondoni a été arrêté à 9h ce matin à la sortie de son hôtel. Il est depuis en garde à vue à Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, une deuxième personne a été arrêtée avec lui. Roland Bondoni est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Marius Lac. Il pourrait en être le commanditaire. Marius Lac, un gendarme à la retraite, assassiné chez lui le 25 août dernier. Il était témoin à charge dans le procès des chiens empoisonnés d'Aigleton. Son témoignage avait permis de faire condamner Roland Bondoni dans cette affaire à un an de prison ferme. Placé en garde à vue, Alain Bonnechamp passe immédiatement aux aveux. « Oui, je suis l'auteur des faits qui me sont reprochés, dit-il. » C'est donc bien lui qui a tué Marius Lac. Et il raconte aux gendarmes l'histoire absolument invraisemblable du meurtre qu'il a commis. D'abord, Bonnechamp se décrit comme très serviable. Il a rencontré Bondoni pour la première fois dans les années 80 et il l'a tout de suite admiré. Bondoni vendait du bon vin, il était charismatique, grande gueule, et dans les bars de fourmis, il faisait une belle impression. Il parlait de son immense terrain de chasse en Corrèze et du beau monde qu'il y accompagnait. Il séduisait les femmes et impressionnait les hommes. Tiens, Bonnechamp se souvient d'un détail. Il était tellement sous le charme que Bondoni avait réussi à lui vendre un tonneau de Saint-Émilion alors qu'il n'aimait pas le vin rouge. Roland Bondoni savait qu'Alain Bonnechamp l'admirait. Et c'est à cette époque déjà qu'il lui avait fait une demande improbable. Il avait découvert que sa femme avait un amant et il cherchait quelqu'un pour le tuer. Très surpris, Bonnechamp avait décliné. Puis les deux hommes ne s'étaient plus croisés pendant plusieurs années. Plusieurs années pendant lesquelles Bonnechamp monte deux entreprises dans le bâtiment. Mais les deux font faillite. Et Bonnechamp s'endette, très lourdement. Il était un temps le patron d'un bar, mais il n'en est plus qu'un client très régulier. Les huissiers menacent de saisir sa maison. Au fond du trou, en 2003, Bonnechamp tente même de s'immoler par le feu avec du White Spirit. Raté. Alors quand le hasard, cette même année, remet Bondoni sur son chemin, Petit Bouchon, comme on l'appelle, s'accroche à l'homme qu'il avait admiré. Bondoni conduit une Mercedes, il invite Bonnechamp à dîner, Bonnechamp est fasciné. Lui qui a une piteuse image de lui-même est très fier d'être l'ami d'un homme si respectable. Bondoni, lui, sait que Bonnechamp a fait faillite, qu'il est très endetté et qu'il a tenté de se suicider. Il décide donc de l'utiliser encore une fois. Et là, il lui parle de ses affaires. Il se plaint de gens chez lui en Corrèze qu'il accuse d'empoisonner des chiens. Et un soir, il lui dit à la fin d'un dîner oh, « Si je pouvais trouver quelqu'un qui leur foute la trouille. » Il se trouve que Bonnechamp est ivre, il se redresse, il regarde Bondoni et il lui répond « Si tu as besoin un jour, tu peux compter sur moi. » Bondoni a lancé sa ligne, Bonnechamp cette fois mordu. En garde à vue, il poursuit son récit. Il est venu me voir en me demandant si ma proposition tenait toujours. Je lui ai répondu non, car je ne pensais pas être capable d'accomplir ce genre de contrat. Il est revenu à la charge à plusieurs reprises. Avant les fêtes de fin d'année 2003, j'ai reçu une communication de Roland qui m'a donné rendez-vous à Fourmis, car il avait une commission pour moi. Il m'a remis un chiffon que j'ai ouvert. Il y avait à l'intérieur une arme. En effet, il m'a remis un 7.65 avec un chargeur de 6 balles. En me remettant cette arme, Roland m'a dit « Maintenant, t'as du matériel. » Il m'a clairement dit à ce moment-là que ce n'était pas pour leur faire peur, mais bien pour tuer qu'il me remettait cette arme. Bondoni promet de l'argent à Bonnechamp qui finit par accepter. Il se rend donc à Aigleton une première fois avec son Alfa Romeo. La cible, c'est l'enculé qu'il a foutu dans la merde pour des chiens, précise Bondoni, que je cite mot pour mot, bien sûr. Un certain Marius Lac. Mais ce que Bonnechamp ne dit pas à Bondoni, c'est qu'il ne part pas seul. Non, aussi étrange que cela puisse paraître, il y va avec l'un de ses amis, à qui il a dit qu'il partait acheter du matériel de chantier. Bonnechamp part donc en repérage pour un meurtre avec une Alfa Romeo rouge et un copain. Et il revient sans avoir rien fait. Déçu, Bondoni insiste pour que son complice y retourne. Et pourquoi ? Le procès en première instance est passé, Marius Lac a déjà témoigné, il ne témoignera pas en appel. Donc le tuer est parfaitement inutile, pourtant. Bondoni s'obstine. Et il donne à Bonnechamp une indication pour aborder Marius Lac. Cet homme possède un 4x4 là-bas qu'il cherche à vendre. Et le 24 août 2004, à 4h du matin, Bonnechamp repart, seul cette fois, avec dans sa voiture le pistolet chargé et un VTT pour faire du repérage, explique-t-il. mais en route. Toujours aussi bizarrement, il se débarrasse de son arme parce qu'il a peur de se servir d'un pistolet, ce qui, pour un tueur à gage, est quand même assez original. Comme diraient les plus jeunes de nos auditeurs, ce plan-là sent la loose. Botchon arrive à la chapelle Spinasse à 17h. Et toujours selon une stratégie incompréhensible, il sort son vélo et part en vadrouille. Et pour trouver la maison de Marius Lac, quoi de plus simple que de demander son chemin? Il croise un fermier, une fermière, il leur demande et lui indique la direction, la Boulette. Il fait presque nuit quand il garde son Alfa Romeo chez Marius Lac. La cible est au téléphone, on l'a dit. Botchon lui demande s'il peut voir son 4x4. Et après discussion, les deux hommes se trouvent dans le hangar devant la Lada. C'est alors que Botchon lui décoche un coup de poing au visage. Marius Lac, un peu âgé mais toujours en forme, riposte. Il finit sa terre. Alors Botchon assène un nouveau coup qui assomme son adversaire. Marius Lac est inconscient. Botchon se saisit alors d'un merlin, une grande hache qu'on utilise pour débiter du bois. Et il achève froidement l'ennemi de Bondoni. Point final de son périple tragiquement absurde. Voilà donc un homme qui en a tué un autre qu'il n'avait jamais vu pour en satisfaire un troisième parce qu'il admirait ce dernier, lui faisant miroiter de l'argent qu'il n'a jamais touché. Juste le remboursement de son aller-retour en Corrèze. Des frais de mission en quelque sorte. 300 euros d'essence pour 22 ans de prison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, dira Botchon à son procès. Je suis trop con. J'ai jamais su dire non. Son avocat résume la situation en quelques mots. Sa position, elle est claire. J'ai l'impression, à l'écoute de ce qu'il a pu me dire, qu'il a été manipulé. Par quel cheminement ce brave type se retrouve mêlé à une affaire dont on sait bien qu'elle est très grave? J'espère que l'instruction, les rapports psychologiques qui seront rendus, nous permettront mieux de comprendre ces mécanismes et ce processus. Maison d'arrêt de Tulle, 2 février 2005, quelques mois après le meurtre. Il est 5h55 du matin et un gardien termine sa ronde. Le procès d'appel de Bondoni pour l'empoisonnement des chiens d'Aigleton a lieu ce jour-là, au tribunal de Limoges. Depuis le meurtre de Marius Lac, de nouveaux éléments sont parvenus à la justice. Notamment, le témoignage du patron d'un magasin de jardinage, à côté de Fourmi, qui se souvient avoir vendu au suspect de grandes quantités de carburant. Bondoni occupe avec un codétenu la cellule 38, et il a demandé qu'on le réveille tôt, ce 2 février 2005. Alors le surveillant toque à sa porte de très bon matin. Pas de réponse de Bondoni. Non, c'est son codétenu qui répond et qui dit « Ok, je le réveille ». Et quelques secondes plus tard, le codétenu en question tambourine à la porte de la cellule et il hurle « Ouvrez la porte, il s'est pendu à son lit ». Bondoni est suspendu au lit, superposé, sa ceinture autour du cou. Toutes les actions judiciaires contre lui prennent fin à cet instant car on ne juge pas un homme mort. Il était accusé d'avoir tué 74 chiens et chats et d'avoir fait assassiner un homme pour une obscure affaire de territoire de chasse. Et au bout du labyrinthe, psychopathologique dans lequel il s'est enfoncé tout seul, Bondoni a fait une dernière victime, lui-même. Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. La paume et cette enclume où tout est dessiné et l'étoile. Et la lune, et le cœur démarré, toutes les lignes tracées, roule pour la solitude, ce ventre constellé de manquer d'habitude. Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. Type tordu, corps fiévreux, aux mains amples aux romances, promise aux contredanses, aux créneaux hasardeux, il nargue des sirènes, leur chante les adieux, du feutre sur les cieux. Plus tard quand ils reviennent, seul le chien se souvient, seul le chien les attend. Dommage qu'ils vivent si peu de temps. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, cette étrange histoire des chiens d'Aigleton dont nous allons parler avec notre invitée, écrivaine, journaliste, Françoise Vigneron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice des livres L'affaire des chiens d'Aigleton, publié en 2009 aux éditions Descartes et compagnie, livre coécrit avec le journaliste Franck Ménial. Vous avez... Alors, votre présence avec nous est très précieuse, parce que vous avez enquêté pendant plusieurs années sur cette affaire. Aidez-nous, s'il vous plaît. Quelle est la logique de cette histoire? Permettez-moi juste de transmettre mon salut à Franck Ménial, mon co-auteur et ami, qui nous écoute depuis Marseille où il travaille. Mmh. Bonjour à lui. Et voilà. Et qui a enquêté ô combien avec moi, puisque ce fut un duo pour écrire ce livre. Eh bien, la logique, s'il y en a une, elle est celle des... qu'en gros, tous les psychopathes, qu'on pourrait résumer en deux mots, parce qu'on retrouve ça dans beaucoup d'affaires, convoitise et frustration. La convoitise, en l'occurrence, d'un pouvoir supplémentaire, d'hectares de chasse supplémentaires, la frustration de ne pas y parvenir parce que, à un moment donné, d'autres chasseurs, peut-être, d'autres personnes se sont opposées à l'expansionnisme de Roland Bondoni. Sauf que chez la plupart des gens, quand on est confronté à une frustration, qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, d'abord, on désire modérément, on convoite modérément, raisonnablement ce qu'on n'a pas. Et puis on supporte la frustration et on pique une colère et puis on passe à autre chose. Mmh. Or, Roland Bondoni était un homme parce qu'il était, je crois, il avait une structure psychopathique prononcée qui ne datait pas de cette époque-là, qui était bien installée, ne supportait aucune frustration. C'était un homme, comme on l'a dit, affable, généreux pour ce qui est de distribuer l'argent, d'inviter, de sortir le champagne, les foie gras, etc., qui avait de la faconde, à la seule condition qu'on ne le contrarie pas. Quand il décidait qu'il souhaitait quelque chose, et là, il s'est heurté à des volontés qui disons que la chasse a été le terrain d'expérimentation et le déclencheur de ses empoisonnements. Mais voilà. Si Franck Ménial est avec nous, je lui dirais Claude Chabrol, sort de ce corps, parce que on est vraiment dans l'ambiance Chabrol. Qu'est-ce qui vous a attiré, Franck et vous, pour enquêter justement? C'est aussi cette ambiance, cette ruralité. Oui. Nous sommes corréziens. Enfin, à l'époque, moi, je suis corrézienne. C'est la première explication. Et j'avais déjà, voilà, je suis un peu là. J'ai déjà écrit sur des affaires criminelles qui se sont passées en Corrèze, des lettres anonymes quelques décennies plus tôt, etc. Mais Franck était à l'époque journaliste à la montagne où il était le spécialiste des affaires judiciaires, le fait diversier, comme on dit. Mmh. Et nous nous sommes rencontrés au procès d'Alain Botchon, donc à la cour d'assises, puisque Roland Bondoni s'étant suicidé, il ne restait plus qu'à Alain Botchon, l'exécuteur, seul. Et c'est là que, nous connaissant un petit peu, nous avons formé le projet d'écrire un livre. Mais comme l'affaire était toute récente, nous avons demandé l'autorisation au procureur général de la cour d'appel et à l'avocat général Étienne Manteau de Tulle, le procureur de Tulle, et de bien vouloir nous permettre l'accès à toutes à tous les dossiers de l'enquête, ce qui nous a été accordé parce que nous étions honorablement connus à Tulle, voilà. Et donc nous avons pu nous plonger dans une affaire pas tout à fait terminée encore, puisqu'une seconde instruction était encore en cours, et nous avons commencé à travailler à fond cette histoire. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez découvert de plus sur Roland Bondoni dans son passé? Roland Bondoni était un homme originaire d'une commune non loin d'Aigleton, d'Haute-Corée, il s'appelle Mémac. Et il a, assez tôt dans sa vie, présenté des signes, des troubles de la violence liés à la contrariété. Alors là, il était déjà adulte. Pardon. Il avait eu une maîtresse qui se trouvait être coiffeuse à Rosiers d'Aigleton et qu'il avait quittée. Une fois, quelques années avant, il lui avait cassé le nez en lui donnant un coup parce qu'elle l'avait contrarié. C'était en pleine rue, en public. Elle n'avait pas souhaité porter plainte. Bon. Et quelques années après, il est arrivé chez elle en pleine nuit. Elle habitait au-dessus de son salon de coiffure, armée d'une arme de poing, d'un revolver. Et il avait voulu la tuer. Elle avait été sauvée par son petit chien qui avait mordu le mollet de Roland Bondoni, ce qui lui avait permis à elle de s'échapper et d'aller prévenir la gendarmerie. Roland Bondoni avait été à l'époque pris l'arme à la main. Et bien qu'il ait l'arme quasiment dans la main, il avait nié en être le détenteur et avait déclaré que c'était la femme qui l'avait agressée. Voilà. Et c'était quelqu'un qui n'avouait jamais rien et qui, d'une certaine façon, non, c'est pas qu'il assumait tout, mais c'est qu'il n'avouait jamais rien. Alors, il était fautif de rien. Et s'il est coupable, parce qu'après tout, on juge pas un homme mort, oui, il n'aurait probablement pas avoué. Non, jamais. Alors, on n'est pas certain aujourd'hui que Roland Bondoni soit l'empoisonneur d'un chien d'Aigleton. C'est aussi pour ça qu'une instruction est en cours? Non, l'instruction, il y avait eu une, pour les deux dernières vagues d'empoisonnement, il y avait eu une seconde instruction. Qui a connu un épilogue judiciaire par un non-lieu, faute de combattants, si j'ose dire, le 2 août 2007. Oui, il y a eu l'impossibilité de poursuivre les investigations. Voilà. C'est sûr que judiciairement, Roland Bondoni est mort innocent. Oui. Puisque pour les chiens, bien que reconnu coupable, il avait fait appel de cette très lourde condamnation. À l'époque, 2 ans de prison ferme, c'était le maximum qu'on pouvait donner à quelqu'un. Et puis, il y avait les preuves matérielles. Et il avait appris 2 choses. C'est que d'abord, il était coincé pour le meurtre de Marius Lac. Il était accusé d'en être, non pas le commanditaire, puisque ça n'existe pas dans le droit, mais le complice. Oui. Et il y avait des preuves, des téléphones, enfin, il y avait le dossier était très complet. La gendarmerie avait très bien fait son travail. Et pour l'affaire des chiens, en voyant un reportage à la télé, un jour, un monsieur habitant dans le Nord, qui possède une espèce de coopérative qui vend des produits agricoles et phytosanitaires, avait dit, mais c'est à lui que j'ai vendu des sacs entiers de carbofurant. Parce qu'on ne savait pas d'où venait le carbofurant. Oui. Et c'est comme ça que le lien, il avait envoyé un fax au juge d'instruction, et après il avait été entendu, et le matin où Bondoni s'est pendu, à l'aube du jour où son procès en appel pour les empoisonnements allait avoir lieu, Bondoni savait par son avocat depuis quelques jours qu'il était coincé au niveau qu'on avait trouvé l'origine du carbofurant, et qu'on avait la preuve. Et ça le confondait évidemment. On va se retrouver dans 3 minutes à peine, Francette Vigneron, après avoir écouté Arcade Fire, The Lighting. Bien sûr. Fourth place and I'm playing tonight on a broken radio. Thought we reached the mountaintop, but now we just feel so low. The sky is breaking open. We keep hoping in the distance we see a glow. Lightning light our way till the black sky turns back into gold. But Français de Vigneron, avant de se suicider, Bondoni écrit une lettre. Oui. Que dit cette lettre ? En substance. Qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait. C'est une lettre qu'il a laissée à l'attention qu'il a écrite et envoyée et remise à son avocat, Maître Labrousse, le 1er février 2005, donc la veille de sa... Et qui se termine par il dit qu'il n'a jamais rien fait, qu'il est victime de complots, de malveillance, etc., etc. Et il termine par ce post-scriptum étrange. Nous cherchons la vérité et ne trouvons qu'incertitude. Le doute est le plus grand tourment que l'homme puisse endurer. C'est une manœuvre, non ? Alors, ça peut être interprété comme le dernier pied de nez de Roland Bondoni, parce que le doute, c'est le doute qu'il a laissé lui dans l'esprit et surtout dans le cœur des victimes, des filles de Marius Lac, que j'ai vues au procès, que j'ai beaucoup fréquentées, qui sont détruites, qui ont été détruites à jamais par la mort de leur père. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Finissez, je vous en prie. Finissez. Non, c'était un homme avec une grande puissance psychique, mais maléfique. Alors, Botchou maintenant, le complice. Botchou, il fait plutôt pauvre type, quoi. Embarqué dans une vie chaotique et puis embarqué dans cette histoire, qui est-il ? Alain Botchon, quand je l'ai rencontré après sa condamnation à 22 ans de prison, 5 fois en détention. D'accord. Donc j'ai beaucoup parlé avec lui. Vous connaissez, oui. Oui, il avait accepté de me recevoir et comme avait dit son avocat en commençant sa plaidoirie, son avocat Philippe Caetano, je plaide pour un brave type. Et plus qu'un pauvre type, c'était un brave type. Si on met de côté cet horrible assassinat, toute sa vie, c'est la bonté. C'est un excellent mari, un excellent père, un excellent grand-père, un excellent voisin, qui ne savait pas bien gérer ses affaires, mais qui a aussi des accidents physiques assez graves, qui avait sans doute une faiblesse, mais un bon fils aussi. Les gens qui ont témoigné, son enquête de personnalité, ont tous dit que c'était l'homme le plus gentil et le plus serviable qu'il connaissait. Et c'est vrai. Rien n'est venu démentir ça. Et avec moi, il a été d'une courtoisie exquise. Il m'a même raconté les surveillants aussi, il les appelait bonjour monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur, alors qu'on dit surveillant. Enfin bon. Même les gens en prison étaient étonnés. C'était un prisonnier modèle. Mais dans sa vie avant, à part le fait qu'il n'avait pas de qualité pour gérer une entreprise, ça c'est clair en plus, et qu'il était sans doute tellement humble qu'il en est devenu extrêmement influençable et s'étant emboîté avec Roland Bondoni, qui lui était un prédateur, un grand manipulateur, et qui a très bien senti chez cet homme modeste et honnête les qualités qu'il lui fallait. Il lui a raconté que il a convaincu Botchon qu'il était la victime d'un complot ourdi par des salopards de Corrèze à la tête de une bande à la tête de laquelle se trouvait ce salopard de Marius Lac. Et donc c'est d'abord, alors parce qu'il avait aussi besoin d'argent, il espérait être rémunéré, mais ça n'a même pas été le cas, mais aussi pour défendre son ami Roland, dont il était si fier d'être l'ami, un homme dont la grosse Mercedes immatriculée 33 laissait croire à tout le monde dans le Nord, ambiguïté qu'entretenait Bondoni, qu'il était un grand propriétaire dans le Bordelais. Dans le Bordelais, oui, 33. Seulement un négociant. Et quand je disais pauvre type, ça veut dire type pauvre. Oui, c'est ça. Fragile. Complètement démuni. D'ailleurs, il a toujours. Il pouvait pas regarder Bondoni à la télé. Il avait une peur physique. Le juge d'instruction me l'a dit, Pierre Baron. Bondoni était figé et terrorisé devant Bondoni quand ils sont trouvés en confrontation. Botchon était et surtout que Bondoni a nié le connaître, a dit peut-être une vague relation de bistrot. Il disait Baudichon, Alain, Baudron. Enfin, il faisait semblant. Pour lui, ça a été affreux. Pour Botchon, Roland était une sorte d'ascenseur social. Il est tombé dans le piège d'or. Alors, il fait des tours à vélo. Quand il va remplir sa mission, il part avec une voiture très voyante. Il part avec un ami. Il fait des tours de vélo. Il demande l'adresse de Marius Lac à des fermiers. Attendez, il va jusqu'à prendre une bière, un café d'Aigleton. Oui, on dirait qu'il fait tout pour qu'on l'identifie. Pour se dissimuler sur son vélo, il a pris une cagoule de chantier et un gros pull. Un gros suite. Mais alors qu'on est le 24 août. Mais comment expliquer ça? Il est pas complètement idiot, c'est... Non, il est... Ah oui, mais enfin bon... Il est neuneux, enfin, on peut dire... C'est... Non, mais mis à part la commission de l'acte, on pourrait en rire, d'ailleurs, on en rit toujours, parce que c'est trop, quoi. Alors qu'il a quand même été au bout d'un acte atroce qui a fait basculer sa vie, qui a fait basculer sa vie, qu'il a eu à point nu. On dit pourquoi à point nu, pourquoi pas l'arme? Parce que il avait été boxeur dans sa jeunesse, il avait été forestier pendant des années, bûcheron, et l'usage de ses mains, il était très fort physiquement. 1m58, il boitait un peu à suite d'un accident, mais il était puissant physiquement, Botchon. Et avec son poing, il a quand même, premier coup de poing, il a cassé le nez, déséquilibré Marius Lac, il lui a cassé le nez quand même. Ça, c'est son premier coup de poing. Et il l'a achevé, il pouvait pas laisser... Je pense qu'il a fini le travail. Il s'était dit, je trouverai sur place quelque chose. Mais il pensait au début le mettre en venir à bout à main nue. Hein. Mmh. Il s'est mis ça dans la tête. L'arme lui faisait peur. Il ne s'était jamais servi d'une arme, ça c'est vrai. Donc voilà, il a eu peur de l'arme. Il a pensé que ça ferait du bruit aussi. Bah oui, ce qui peut se comprendre. Voilà ce qui peut. Donc il y avait une espèce de logique effroyable, de bon sens presque. Et bon voilà. Et il a pris l'arme qui se trouvait à côté de lui là dans le hangar, le fameux Merlin. Et puis il l'a tué. Et il a fracassé le crâne. Il l'a tué. Ce sera notre dernier mot, François de Vigneron. C'est un peu brutal. On arrive à la fin. Bah c'est la fin. Oui. En tout cas merci beaucoup pour tous ces détails que vous nous avez apportés autour de cette histoire frappante parce qu'elle est. Bah, les mystérieuses, on essaie de comprendre, mais on ne peut pas comprendre à 100%. C'est ça qui est assez intéressant. Non, on ne comprendra jamais. Merci. Au revoir. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Je vous en prie. Et merci à France Bleu Brésil qui a accueilli notre invité dans ses studios aujourd'hui pour cette émission. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les chiens d'Aigleton. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent de Rumini.